Thérèse à l'hôtel de François Mauriac. Alors c'est une des deux nouvelles qui sont a priori parues assez proches dans les années 30, en 33 même pour être précis. C'est deux nouvelles qu'a écrit Mauriac. Une des deux nouvelles avec Thérèse chez le docteur qu'a écrit Mauriac après avoir écrit Thérèse d'Esquerou. Puis La fin de la nuit, qui est la fin de la vie de Thérèse. Puis Thérèse, donc les deux nouvelles, Thérèse chez le docteur et Thérèse à l'hôtel, qui sont entre Thérèse d'Esquerou et La fin de la nuit. Alors c'est deux petites nouvelles hein, d'une vingtaine de pages. Donc là c'est la deuxième. Alors ça a lieu exactement 10 ans, enfin exactement, à peu près 10 ans, Dixit Thérèse. 10 ans après le cauchemar de Thérèse d'Esquerou, enfin de ce qui s'est passé dans le livre Thérèse d'Esquerou. Alors, bon, d'ailleurs, Mauriac fait un petit rappel rapide de ce qui s'est passé avant. Donc, il replace un peu dans le contexte. Il y a un souci un petit peu de... Si vous avez raté les épisodes précédents, c'est très moderne. Alors... Bah c'est assez riche hein, pour 20 pages, mais c'est aussi parce qu'il s'appuie sur plein de choses, et puis que bon, c'est vrai qu'à force à force de faire un peu le tour de cette œuvre, et puis de Thérèse en particulier, bon, on s'attache à Mauriac et on s'attache à l'héroïne, même si je dois reconnaître que, sans doute en raison de la différence d'époque entre les écritures, surtout de Thérèse d'Esquerou et puis des trois de La fin de la nuit et puis des deux nouvelles, où il y a à peu près, je sais pas, peut-être 10 ans d'ailleurs, hein. Je crois moins, je crois que Thérèse d'Esquerou est paru en 27, mais enfin, ça veut pas dire qu'il l'a pas écrite quelques années plus tôt, ou bon, je ne sais pas. Alors, c'est assez intéressant parce que dans Thérèse chez le docteur, elle faisait référence à Azevedo, qui avait été quelqu'un de passager mais d'important quand même dans Thérèse d'Esquerou. Et aussi dans donc Thérèse chez le docteur, elle fait référence à un certain Philly qui est un amant qui l'a fait souffrir, comme tous les amants a priori qu'elle a, hein. Mais surtout, c'est terrible l'histoire qu'elle raconte au docteur. En gros, cet amant se désintéressait d'elle. Et puis, bon, finalement, il s'est rapproché d'elle parce qu'il avait besoin d'argent. Il a cru qu'elle pourrait lui en donner. Et puis finalement, non. Donc, il s'est désintéressé. Et puis finalement, là, elle lui raconte sa vie où elle a failli empoisonner son mari. Enfin, où elle a tenté de l'empoisonner, pour être précis. Et là, il est intéressé à nouveau. Pourquoi ? Pour la pire des choses, il veut lui faire commettre un crime. Parce qu'il a besoin de se débarrasser de quelqu'un qui pourrait le faire chanter. L'horreur, et elle essaye elle demande de l'aide au docteur, justement, dans Thérèse chez le docteur. Et là, on est plus tard. Elle fait référence au fameux Philly pour dire qu'elle a appris depuis peu, très peu, je crois, qu'il vient de se suicider. Ouf. Justement parce que le chantage s'est mis en route, et plutôt que devoir faire face à ses dettes et tout ça, il a préféré se suicider. A priori, donc, il s'est suicidé avant que Thérèse soit obligée, entre guillemets, de commettre un nouveau meurtre. Donc, il s'est suicidé, et Thérèse, on est en plein dans son introspection face à ce suicide, parce que... Elle ressentait une certaine passion pour lui, mais elle reconnaît qu'au fond elle l'aime probablement pas vraiment, parce que elle n'est pas triste. Bon. Pourquoi elle n'est pas triste ? Alors plein de raisons. D'une part, c'est pratique, hein, c'est un soulagement pour elle, parce que en fait, elle avait vraiment eu peur. D'abord, il lui faisait un chantage, a priori. Donc bon, déjà, ça lui évite d'avoir à commettre un meurtre. Ensuite, elle pense que s'il avait été, à défaut de commettre ce meurtre-là, s'il avait été mis en procès par rapport à son autre affaire qui le concerne lui, il aurait parlé d'elle. Elle aurait peut-être été interrogée par la police et elle en garde un souvenir traumatisé de tous les interrogatoires qu'elle a subis 10 ans plus tôt, à l'époque où elle a tenté de tuer donc son mari Bernard, je crois. Donc, ça fait beaucoup, et j'aurais pas pu supporter ça. Alors bon, ça, on sait pas. Mais en tout cas, voilà, grande souffrance d'anticipation à l'idée de... Donc elle est très heureuse, enfin, à défaut d'être très heureuse, en tout cas, elle est soulagée. Et puis ensuite, de façon un peu plus terrible, elle réfléchit à cet amour qu'elle avait pour lui. Et là, c'est assez intéressant parce qu'elle est assez honnête. Enfin, ça c'est Mauriac, ça. D'une rigueur psychologique terrible. Et il dit, mais c'est quoi ? Moi, j'avais besoin de tendresse. Par exemple, hein, ce genre de phrase. J'avais besoin de tendresse et... J'aurais voulu de la tendresse de sa part, mais c'est idiot, en fait. Jamais on a reçu de la tendresse. On ne reçoit pas de tendresse parce qu'on aime quelqu'un. On en reçoit parce qu'on aime quelqu'un. On en donne parce qu'on aime quelqu'un. On n'en reçoit pas parce qu'on aime quelqu'un. Ouais, c'est pas faux, hein. C'est terrible en même temps. C'est ce genre de petite phrase, je trouve qu'on peut y passer beaucoup de temps. C'est assez... On ne reçoit pas de tendresse parce qu'on aime quelqu'un. On en reçoit on en donne parce qu'on l'aime. Ouais. Bref. Et puis surtout, elle compare son amour à une taupe. Donc aveugle, hein, qui cherche quelque chose dans le noir, et puis quand elle le trouve, elle s'agrippe, et puis voilà, elle l'aime, mais... Il y a lui ou un autre, bon, quelque part, elle est un peu dans ce truc-là. Je dois aussi dire, aussi en passant, que Mauriac a fait 2-3 réflexions, quand même, particulièrement, qui paraissent un petit peu misogynes, ou sexistes, hein, ou machistes, enfin... J'en ai lu d'autres, je crois qu'il y en a 2 dans le roman, mais, enfin dans cette nouvelle. Tout s'efface. Alors. Je ne m'ennuie pas avec moi-même, c'est peut-être ce qu'il y a de plus inhumain en moi, cette curiosité. Une complaisante défaillance du souvenir permet à la plupart de vivre en paix. Tout s'efface pour eux de ce qu'ils ont tissé dans la trame de leur vie. Les femmes, surtout, sont une espèce sans mémoire. C'est ce qui leur assure, à travers toutes les horreurs, ces yeux d'enfant. Ils n'ont rien reflété de ce qu'elles ont commis. Sur ce point, je ne ressemble pas aux autres femmes, etc. etc. Et il y a un autre point où il dit... où il dit à nouveau quelque chose comme ça. Moi qui le trouve assez féministe, d'une certaine manière, il y a des relents de mépris quand même... des petits relents comme ça, de sexisme, qui fait dater aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, je pense qu'on entend les femmes dire ce genre de choses des femmes. Enfin, en bref, il est difficile à un homme de critiquer une femme peut se critiquer. Bon. Peut-être que l'inverse est vrai, mais c'est vrai que dans l'air du temps, voilà, ça se dirait pas vraiment. Hein. Pas vraiment. Mais à l'époque, c'était plus facile. C'est comme l'antisémitisme de Mauriac. C'était plus facile à l'époque. Voilà. Voilà. Sur ce point. Donc, il était marié, ce Philly, a priori. Je crois qu'il avait divorcé, mais non. Bon. Enfin, ou c'est son ex-femme qui est venue... qui est venu à son enterrement. Alors, c'est assez intéressant quand même, parce que... Alors, elle est à l'hôtel, elle rumine ça, et puis elle réfléchit beaucoup sur... la vieillesse de Thérèse d'Esquerou est vraiment centrale. Hein, à part dans Thérèse d'Esquerou elle-même, où la vieillesse est peu présente, mais la déchéance physique l'est, par contre, puisque à un moment, elle est quand même enfermée, elle est pas très loin de la mort, dans Thérèse d'Esquerou. Par contre, dans les autres, là, c'est carrément la vieillesse qui est au cœur, hein, la déchéance physique. Et dans une interview de Mauriac que j'ai vue rapidement sur Internet, Mauriac parle beaucoup de. On lui demandait son âge. Bon, qu'est-ce que ça lui faisait d'être vieux, quoi, en gros. Bon. Et ben Mauriac, lui, contrairement à peut-être à d'autres, il a beaucoup de choses à dire. Donc ça, c'est amusant. Ça me surprend pas. Et il a tout de suite parlé en premier justement de la. Bah, c'est pas beau de se voir vieillir. D'avoir cet âge, ce qui est embêtant, bah oui, c'est de se voir vieillir. Bon. Moi, j'ai l'impression quand même que Thérèse d'Esquerou, d'ailleurs, qui n'est pas comme les autres femmes, hein, je viens de le dire, c'est un peu lui quand même. Alors bon, sans doute d'assez loin, bien sûr, mais il y a des choses, c'est lui. Il a mis son acuité en elle. Il en a fait quelqu'un d'intelligent. Alors c'est peut-être son anti-lui, hein, son anti-portrait. Mais enfin, en tout cas, il y a quelque chose. Hein, on sent, il y a une finesse mentale. Il a voulu son héroïne. Je sais pas. On y voit quelque chose. Et là, le rapport à la vieillesse, bah oui, il y a un point commun. Ce n'est qu'un point commun, hein, mais. Donc Thérèse est au restaurant à l'hôtel et elle regarde les gens manger et puis elle en a besoin parce que la solitude lui fait mal et elle a pas besoin de plus et puis elle se croit délivrée de l'amour, au moins elle se dit maintenant je suis tranquille. Et puis elle regarde un jeune homme d'il y a 20 ans avec sa famille qui sans doute est enfin, qui a été malade sans doute parce qu'il a l'air fragile encore et il prend des médicaments. Elle le regarde et puis elle le trouve magnifique, je crois. Et puis elle le regarde discrètement. Jusqu'à ce qu'elle s'aperçoive qu'il est en train de la regarder via une glace dans le fond de la salle. Et qu'en fait, il la regarde. Mais il n'a pas vu qu'elle le regardait. Bon, c'est un peu subtil, hein. Il n'y a que dans les romans qu'il y a des choses aussi subtiles. Enfin, bref. Et là, elle est toute tourneboulée. Tout à coup, ça repart comme en 40. Mais comment suis-je encore regardable? Mais ah là là, mon cœur, ah là là, j'ai envie de plaire une dernière fois, oh là là, bon. Normal, on est tous pareils. Mais chez Thérèse, c'est un petit peu caricatural, peut-être. Un petit peu, c'est un peu fort. Peut-être parce que elle est. Ouais. Peut-être assez féminin, là, pour le coup, elle a l'air très consciente du charme qu'elle peut dispenser, ou qu'elle a pu dispenser, parce qu'elle pense sans cesse que c'est révolu. Là, en l'occurrence, elle se dit, mais non, c'est pas révolu, alors, puisqu'il me regarde encore. Enfin, qu'un inconnu puisse encore me regarder. Alors, elle se débrouille pour lui parler, pour le rencontrer, puis ça se passe pas très bien. Elle tombe sur un drôle de bonhomme, en fait. Elle se doutait qu'il était plutôt intelligent parce qu'il avait l'air de dévorer des revues spécialisées, des livres, bon. Bref. Et effectivement, il a une acuité, bon, ça démarre assez mal, bon. Et là, je dois dire, bon, je vais pas rentrer dans les détails de toutes les citations de Thérèse, enfin, du livre avec les dialogues de Thérèse, mais. Je trouve qu'il en a fait un personnage un petit peu ouais, pathétique. En gros, elle sort ses façons de draguer, là, Thérèse d'Esquerou, c'est assez pathétique, quoi. Faut reconnaître que là, elle essaye d'intéresser. Comment il s'appelle d'ailleurs, je ne sais pas. Le jeune homme. Elle essaye de l'intéresser avec des ficelles, hein, grosses, vraiment, hein, grosses comme le doigt, donc c'est. Ah, si vous saviez ma vie, mais je ne vous raconterai rien, mais quelle horreur, c'est en deçà de tout ce que vous pourriez imaginer. Bon, à chaque fois, elle leur sort, bon, commence à se lasser un peu. Ensuite, un moment, elle lisait L'amant de Lady Chatterley. A priori, c'était un livre relativement récent, et lui, il avait vu qu'elle lisait ça. Et. Parce qu'il avait trouvé le livre sur une table qu'elle avait oublié, quand elle est revenue le chercher, elle a vu qu'il était en train de le feuilleter. Et puis il était gêné, il l'a reposé précipitamment, il est parti. Et là, du coup, pour l'aborder, ils étaient à une table, et elle lui propose de lui prêter le livre. Et là, il réagit mal, hein, offensé, roman de. Oh là là, roman pornographique, hein, c'est presque ça qu'on sous-entend. Et puis elle sort sa phrase. Éculé. Bon. Et elle sort la phrase du genre, une phrase, bon, j'ai pas les mots exacts, mais du genre, enfin, c'est pas. Si je veux une stimulation d'ordre érotique, C'est pas en lisant ce genre de livre, c'est plutôt en fermant les yeux et en me remémorant mes souvenirs que je peux me stimuler. Voilà, enfin un truc dans le genre, quoi, sous-entendu, ah là là. Je suis une sacrée libertine, j'ai pas besoin de ce genre de bouquin, et si vous saviez tout ce que j'ai vécu, ah bon. Et lui, il réagit pas du tout comme prévu, il n'est pas ni impressionné, ni bon, ni sous le charme, ni au contraire, il fait un peu son offensé, ouais, le petit moraliste, un peu con. Bon, jusque-là, rien de terrible, sauf que tout se passe à la fin en fait, hein. Il se revoit une deuxième fois le soir, elle lui propose quand même. Il l'a scotché, je sais plus avec quoi, à quel mot il l'a scotché, mais il a commencé à lui dire ses quatre vérités en fait. Faudrait que je retrouve le passage quand même. Ouais, alors. Ah oui. À un moment, il lui dit, parce que quand elle refait son numéro, ah si vous saviez, bon. Quoi que vous ayez fait, reprit-il à mi-voix, je n'éprouve pas devant vous cette impression qui ne m'a jamais trompé. Comment la définir? Ah oh, oui, c'est pas très passionnant ça, c'est, il explique que qu'elle est vivante, hein. Son âme est vivante. J'ai la sensation physique de leur mort spirituelle. C'est chez les gens. Comprenez-vous ce que ça signifie? Comme si cette âme était déjà un cadavre. Eh bien, vous me pardonnerez ma franchise, et après tout, il se peut bien que je me trompe. Je gagerais que votre âme est très malade, affreusement malade, mais encore vivante. Oui, débordante de vie. Depuis que je vous observe, je suis hanté par le contraste entre ce qu'a pu être votre existence jusqu'à ce jour et les possibilités de. Je ne vous choque pas, madame? Vous vous moquez de moi, donc Thérèse se marre. Bon, elle réalise que aucun instant il a vraiment été charmé par elle. À aucun moment il a entrevu une relation, enfin pas une relation, mais un désir pour elle. Et ça, elle tombe de haut parce qu'elle pensait qu'un regard comme ça, c'était forcément lié à ça. Et que les hommes, après tout, c'est tous des bêtes qui pensent qu'à ça. Elle le dit d'ailleurs à un moment. Elle le dit mieux que ça. Et puis elle se rend compte qu'il la prend pour une vieille dame et que bon, elle est intéressante en tant que vieille dame, quoi. Donc ça lui file un choc. Du coup, elle le hait. Enfin, elle lui propose quand même de venir qu'il se revoie le soir. Et là, il y a une conversation assez sidérante. Alors. Faudrait que je trouve les passages emblématiques. Un moment, donc, ça papote, ça papote. Thérèse lui dit qu'en gros, elle essaye encore d'éveiller en lui. Elle essaye. Et c'est ça qui la rend pathétique. D'ailleurs, je me demande si c'est en soi pathétique ou si c'est la finesse de Mauriac qui présente ça de façon pathétique. Parce que je suis sûr que toutes les ficelles de drague de Thérèse et puis sa rhétorique un petit peu convenue, ça paraîtrait pas si pathétique quand on le rencontre dans la vie réelle. Mais là, dit comme ça, parce qu'il y a toujours un peu une sorte de second degré et puis on sent la ficelle derrière. La ficelle confessée par les pensées de Thérèse, que du coup ça paraît d'autant plus pathétique. C'est peut-être assez fin de sa part. Je suis peut-être un peu dur en pensant que Mauriac l'a rendue trop pathétique. C'est sa façon de présenter les choses, mais enfin bon, il la rend, mais indirectement. C'est pas tout à fait la même chose. Alors donc elle essaye de susciter l'excitation chez le jeune homme, donc elle lui dit, mais en gros, faut pas rater une occasion dans la vie, parce qu'après on le regrette toute sa vie. En gros, c'est ça. Cette folie de la jeunesse qui croit qu'elle peut remettre le bonheur à plus tard, alors que le bonheur se retrouve toujours. Le bonheur se retrouve toujours. C'est bizarre cette phrase. Et Donc elle est pas émue, mais elle pleure. C'est elle-même Thérèse qui écrit ça. Après coup, après cette rencontre, elle écrit des notes, elle écrit son journal. Et puis... Nous avons quitté l'allée, balbutiai-je, je n'y vois plus rien. Comme je trébuchais sur la pelouse, il saisit ma main et me ramena dans l'allée. Et aussitôt, il retira sa main, que je serrai un peu. Je ne me contins plus. Mais parlez donc! Répétez quelque chose, répondez quelque chose. Que vous répondre? Vous ne savez pas encore ce que signifie amour, bonheur. Voilà, alors là, c'est vraiment le petit jeune, et là, il inverse les rôles, là, ça la rend folle. Elle lui est en train de lui donner une leçon, et lui, il en donne une en retour. Et vous, croyez-vous me l'apprendre? Pauvre petit. Ça, c'est son côté méprisante. Mais là, elle tombe sur un os avec lui. Là, je n'y fais rien, reprit-il paisiblement. Quelques-uns l'ont toujours su, d'autres l'apprennent à 20 ans, d'autres après des années de souffrance, la plupart le découvrent dans la lumière de la mort. Alors là, il y a un indice, la lumière de la mort. Après la fin de la nuit pour la vie, la fin de la vie c'est la fin de la nuit, la lumière de la mort. Ça c'est Mauriac qui craque là. En fait on commence à sentir que... Bon moi je veux bien mais... Le garçon de 20 ans, c'est Mauriac, quoi. C'est la pensée de Mauriac. C'est le chrétien qui sort de l'ombre. Mais c'est très fort, la lumière de la mort. Là, faut quand même oser le dire, quoi. Enfin, bon, moi, je trouve. Peut-être que ça passait mieux en 33, hein, comme l'antisémitisme. Alors, je murmurais des phrases que tout cela. Ainsi, vous, continua-t-il, comme s'il ne m'avait pas entendu. Vous avez tout à apprendre, tout est devant vous, et vous ne le savez pas. Je lui affirmai sur un ton de défi que j'avais eu ma part. Le moins que j'eusse pu lui en dire l'aurait obligé à se boucher les oreilles. Voilà, toujours la même histoire. Pauvre enfant, c'est ce que vos milieux, je les connais, j'y suis né. C'est ce que dans vos milieux, on appelle un passé chargé, si vous vous doutiez. Donc elle repart. Il protesta qu'aussi chargé qu'ait été ce passé, il suffirait de quelques larmes, d'une main levée au-dessus de mon front, pour que je redevienne une enfant. Et ça c'est vrai que c'est pas mal. Enfin, là, on sent toujours hein, le côté... Là, ça devient religieux. La main se lever sur le front, je trouve qu'effectivement, c'est... Et en même temps... Là, c'est cohérent quand même. C'est cohérent par rapport à ce qu'a dit Mauriac dans la dernière page de Thérèse d'Escuroux. Je me souviens bien d'un petit point. C'est que elle est en face de Bernard, que soi-disant elle exècre. Hein. Et c'est malheureusement confirmé. Je dirais malheureusement parce que c'est malheureusement confirmé par le début de cette nouvelle-là, où elle redit à quel point elle n'aime pas Bernard. Sauf que justement, c'était plus subtil dans Thérèse d'Escuroux, parce que quelque part, il y avait presque le mystère de la cause réelle de son envie de tuer son mari. Bien sûr qu'il la dégoûte, bien sûr on sent bien ça. Mais, comme si cette cause était insuffisante. Donc il y a un mystère, il y a une forme de mystère. Et il y a presque une tentative pour le rationaliser au début de Thérèse à l'hôtel. Bon, ça me dérangeait un peu. Cela dit, ça m'énerve d'autant plus qu'à la fin de Thérèse d'Escuroux, quand elle le quitte, ils sont debout, ils sont à deux doigts de se quitter pour toujours. Elle a vexé Bernard une dernière fois, sans le vouloir. Pour une fois, elle a pas voulu être méchante, mais lui, il a été bête, il était borné, donc et elle se dit, si à ce moment-là, il désarmait, il arrêtait de vouloir tout prendre de haut, de la prendre pour une idiote, s'il se taisait, qu'il lui souriait, qu'il la prenait dans ses bras, tout pourrait reprendre. Et de façon positive. Donc ça tient pas grand-chose à la fois à une énormité, parce qu'il y a un monde entre une personne qui vous quitte et une personne qui vous prend dans les bras. Enfin, pas forcément d'ailleurs, mais a priori il y a un monde, a priori. Et donc là, cette phrase où finalement il dit mais vous redeviendriez une enfant si vous osiez pleurer et qu'une main bienveillante se levait au-dessus de votre front. D'ailleurs, c'est un geste, voilà, ça fait un... Oui, ça fait religieux, comme je disais. Alors, je continue parce que c'est plus très long. Et là, il protesta, voilà, qu'aussi chargé qu'était espacé, il suffisait de quelques larmes, d'une main levée au-dessus de mon front pour que je redevienne une enfant. Tel est cet amour, point de suspension, dit-il. Tel est cet amour. Donc l'amour, là, il parle de... c'est un amour chrétien, bouddhique, presque. Ces derniers mots furent à peine perceptibles. Je répétais, des phrases. Paroles et paroles. Bon. Mais comme nous avancions dans la lumière que projetait la façade de l'hôtel, je vis son visage empourpré. Oui, une passion terriblement exigeante régnait sur cet adolescent. Ou plutôt, comment exprimer ce que je ressentis ? Une présence l'occupait tout entier. Voilà, une présence l'occupait tout entier. Débordée de lui, me brûlait. Je lui soufflais presque malgré moi. Je vous exècre. Ah ben voilà. Alors en fait, là, c'est pareil. La présence, bon, c'est Dieu en fait. Cet enfant, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu fait homme. À ce moment-là, du moins. Une présence l'occupait. Présence divine en tout cas. Et me brûlait. Mais oui, parce que Thérèse, c'est le mal. C'est son péché qui la brûle. Et du coup, elle se défend. Donc elle dit, je vous exècre. J'aime pas Dieu. Il répondit à voix basse mais distincte, moi, je vous aime. Voilà, moi, c'est là que j'ai compris. Moi, je vous aime. Bon, voilà, là, il n'y a que des maîtres religieux pour répondre ça. Des sages. Je vous déteste, oui, mais moi, je vous aime. Bon. Sauf si c'était un vrai amour, comme ça arrive, oui, à sens unique, mais c'est même pas ça, là. Lui, c'est pas cet amour-là qu'il a pour elle. D'ailleurs, c'est dit plus tard, cette parole que j'avais absurdément désirée et attendue venait enfin à moi. C'était cette parole, et ce n'était pas elle, hélas. Je ne me mépris pas une seconde. Voilà, elle sait que c'est pas « je vous aime vous ». Enfin... C'est je vous aime comme toute créature. Pauvre fou, répliquai-je. Autant qu'il m'en souvienne, il me parla de cette folie qu'il me souhaitait. Cette folie qu'il me souhaitait. Être capable d'aimer, en fait, hein. C'est ça. Qu'il demanderait pour moi chaque jour. Ah, j'avais raté ça. J'avais raté la présence qu'il occupait tout entier. J'avais raté qu'il demanderait pour moi chaque jour. J'avais juste vu « je vous aime » pour penser à Dieu. Alors qu'en fait, il y avait plein d'indices là. Présence l'occupait tout entier. Il demanderait pour moi chaque jour. « Je n'ai pas besoin de votre pitié. Aussi cher que je l'ai payé, j'ai eu ma part, j'ai eu ma part. » Et là, elle fait vraiment pathétique. Là. Elle s'accroche. « J'ai eu ma part. » Je répétais une troisième fois « j'ai eu ma part. » Mais dans un sanglot. « Non, je ne l'ai pas eu. » Tout était fini pour moi avant d'avoir commencé. Plus rien à attendre de l'amour, aussi inconnu maintenant qu'au jour de ma jeunesse. Je ne sais rien de lui, hors le désir que j'en ai. Ce désir qui tout à la fois me possède et m'aveugle. Qui me jette sur tous les chemins morts, me cogne à des murs, me fait trébucher dans des fondrières, me couche exténué dans des fossés pleins de boue. Voilà, c'est un peu... C'est inutilement moraliste, enfin... Il n'était plus là, je m'enfonçais de nouveau dans le jardin, pleurant comme je pleure quelquefois, des larmes pressées qui ruissellent sans effort, sans même que mon visage se contracte. J'attendis longtemps la fin de cet orage, jusqu'à ce que le vent de la nuit eût rafraîchi ma figure brûlée. Voilà, donc, bon, c'est intéressant, bon, là, ce garçon qui se comporte plus comme un... Voilà, comme Dieu, quoi, comme Jésus, un petit peu, bon. Mais là où vraiment il y a un truc amusant, c'est que... Alors, c'est dans la préface de La fin de la nuit, dans l'édition que j'ai, là, Mauriac parle du fait qu'il aurait aimé aller jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de la vie de Thérèse. Donc, il nous en manque les dernières heures dans La fin de la nuit. Pourquoi il l'a pas fait? Parce qu'il n'a pas réussi à trouver le confesseur. Faut le faire, hein. Ah, qu'est-ce qui était devenu Cato, hein? Il n'a pas trouvé le confesseur, le pauvre Mauriac. Il n'a pas vu, il a mis « vu » en majuscule, il n'a pas vu le prêtre capable de recevoir les confessions de Thérèse. Donc, il n'a pas vu cet homme grand, ce prêtre suffisamment grand pour comprendre, pour embrasser Thérèse, pour lui donner cet amour que le petit jeune de 20 ans lui donne à la fin. Or, il dit à ce moment-là, mais c'est vrai qu'à Rome, là, je l'ai rencontré, cet homme-là, capable de confesser Thérèse, si elle existait, bon, bref. Donc, j'écrirai peut-être ces pages un jour. Voilà. Eh ben, bon, j'en sais rien si elles existent, mais a priori, là, je les vois pas. Je crois pas qu'il les ait jamais écrites. Par contre, ou alors, je sais pas, pas à ma connaissance. Mais ces pages-là font presque office de. Alors certes, Thérèse ne confesse pas. En tout cas, pas haute voix. Elle se dit à elle-même, je n'ai rien eu, machin. Bon. Mais c'est pas une confession qu'elle fait. Elle parle pas de son passé, etc. Mais si on regarde ce qu'avait écrit Mauriac dans sa préface, dans la confession qu'il pouvait pas écrire parce qu'il n'avait pas rencontré il pouvait pas voir la personne capable de confesser Thérèse. Le problème n'était pas tant que Thérèse puisse se confesser. Finalement, que de voir quelqu'un capable de recevoir ça, de l'imaginer. Et là, en quelque sorte, là, il a fait ce travail-là. Il a imaginé quelqu'un capable de recevoir ça. Alors bon, c'est pas un prêtre non plus, c'est pas. Enfin, je demanderai ça pour vous. Bon, c'est un côté. Voilà, je prie pour vous. Vous pouvez mourir en paix. Hein, vous n'êtes pas morte, vous avez la vie devant vous, enfin, disons, la lumière de la nuit, la lumière de la mort. Donc, bon, enfin, on est quand même dans le religieux. Voilà, donc, moi, je trouve ça amusant parce que finalement, d'une façon très détournée, avec un petit jeune de 20 ans, avec qui elle pense pouvoir avoir une relation, puis finalement, pas du tout, et ben, c'est lui qui fait office de prêtre. Alors d'ailleurs, ça sonne complètement. Moi, je veux bien qu'il soit malin et tout, comme il faut à 20 ans, là, qu'elle tombe sur un petit génie. Ça, je dis pas. Mais l'élan, le prêche, presque, c'est un. Le prêtre à sa chair, non, c'est un peu. Un peu fort quand même, faut. Peu réaliste, voilà. Peu réaliste. Attends, elle n'est pas en face du Dalai Lama, elle n'est pas en face d'un prêtre 70 ans, bon, un petit jeune qui lui dit ça, je trouve ça un petit peu fort. Mais enfin, d'ailleurs, Thérèse se débat, ça marche pas. Elle reçoit pas ça, ça lui fait juste comprendre qu'il a raison, qu'elle n'a pas aimé, qu'elle a pas, c'est pas ce que c'est qu'aimer, bon, qu'elle n'a pas eu ça. D'accord. Puis elle met tout ça au centre. Enfin, il met tout ça au centre. Ce n'est pas au centre dans Thérèse d'Escuron. Mais c'est vrai qu'il y a eu sa vie entre-temps et l'échec d'un mariage. Donc, bon, je peux comprendre. Et puis l'échec de plein de relations. Bref, donc je crois que donc là, à la fin, ils se séparent et puis il se passe rien, bien sûr. Bon, je pense que c'est le dernier gros passage où on voit Thérèse. Il y a juste dans le roman ce qui était perdu, où a priori, elle n'est pas du tout l'héroïne cette fois, mais on la croise. Donc, mais c'est juste, comme il disait, je crois, une soirée, une nuit sur un banc des Champs-Élysées, donc c'est pas quelque chose de. Ce sera très peu éclairant probablement par rapport à ces nouvelles-là. Mais je vais essayer de me procurer le livre et voilà. Terminer le travail, entre guillemets, ou vérifier s'il n'y a rien d'autre qui s'intéresse dans les œuvres de Mauriac. En tout cas, bon, c'est magnifique quand même, hein, c'est vraiment magnifique. Je trouve que c'est une belle petite. C'est une belle série quand même, vraiment. Permet de réfléchir à beaucoup de choses, et puis qu'est-ce que c'est bien écrit, c'est vraiment merveilleux. Ouais. Prix Nobel de littérature, académicien, bon, malgré tout ce qu'on peut reprocher à Mauriac sur certains sujets, c'est vraiment de la très très belle littérature. Voilà, donc je le conseille énormément, bien sûr. Voilà, donc c'est tout pour Thérèse à l'hôtel. Après un titre, pareil, franchement, ça fait vraiment. C'est quoi les bouquins pour enfants? Machine à la plage, machine au. Bon, comment s'appelle la petite fille? C'est la petite fille là qui. L'histoire d'une petite fille qui va à la ferme, qui va, je sais plus. Bref, là c'est après Thérèse et le docteur, après Thérèse à l'hôtel. Voilà. Eh bien, la suite, s'il y en a une, je ferai un résumé.